Actes chapitre 24. Or, cinq jours après, Anania le souverain sacrificateur, descendit avec les anciens, et un certain orateur, nommé Tertulle, qui comparurent devant le gouverneur contre Paul. Et Paul étant appelé, Tertulle commença à l'accuser, en disant, « Très excel Félix, nous connaissons en toutes choses, et avec toutes sortes de remerciements, que nous avons obtenu une grande tranquillité par ton moyen, et par les bons règlements que tu as faits pour ce peuple, selon ta prudence. Mais afin de ne t'arrêter pas longtemps, je te prie de nous entendre, selon ton équité, dans ce que nous allons te dire en peu de paroles. Nous avons trouvé que c'est ici un homme fort dangereux, qui excite des séditions parmi tous les Juifs dans tout le monde, et qui est le chef de la secte des Nazariens. Il a même attenté de profaner le temple, et nous l'avons saisi, et l'avons voulu juger selon notre loi. Mais le tribun Lysia étant survenu, il nous l'a ôté d'entre les mains avec une grande violence. Commandant que ses accusateurs vinssent vers toi, et tu pourras toi-même savoir de lui, en l'interrogeant, toutes ces choses desquelles nous l'accusons. Les Juifs acquiescèrent à cela, et dirent que les choses étaient ainsi. Et après que le gouverneur eut fait signe à Paul de parler, il répondit, « Sachant qu'il y a déjà plusieurs années, que tu es le juge de cette nation, je réponds pour moi avec plus de courage. Puisque tu peux connaître qu'il n'y a pas plus de 12 jours, que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais ils ne m'ont point trouvé dans le temple disputant avec personne, ni faisant un amas de peuple, soit dans les synagogues, soit dans la ville. Et ils ne sauraient soutenir les choses dont ils m'accusent présentement. Or, je te confesse bien ce point, que selon la voie qu'ils appellent secte, je sers ainsi le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes. Ayant espérance en Dieu, que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, laquelle ceux-ci attendent aussi eux-mêmes, arrivera. C'est pourquoi aussi je travaille d'avoir toujours la conscience pure devant Dieu, et devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes et des oblations dans ma nation. Et comme je m'occupais à cela, ils m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement et sans tumulte. Et c'était de certains Juifs d'Asie, qui devaient comparaître devant toi, et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou que ceux-ci eux-mêmes disent, s'ils ont trouvé en moi quelque injustice, quand j'ai été présenté au conseil. Sinon cette seule parole que j'ai dite hautement devant eux, aujourd'hui je suis tiré en cause par vous, pour la résurrection des morts. Et Félix ayant ouï ces choses, le remit à une autre fois, en disant, après que j'aurai plus exactement connu ce que c'est de cette secte, quand le tribun Lysia sera descendu, je connaîtrai entièrement de vos affaires. Et il commanda à un centenier, que Paul fût gardé, mais qu'il eût aussi quelque relâche, et qu'on n'empêcha aucun des siens de le servir, ou de venir vers lui. Or, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il l'envoya quérir Paul, et lui parler de la foi qui est en Christ. Et comme il parlait de la justice, et de la tempérance, et du jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit, « Pour le présent va-t'en, et quand j'aurai la commodité, je te rappellerai. » Espérant aussi en même temps que Paul, lui donnerait quelque argent pour le délivrer, c'est pourquoi il l'envoyait quérir souvent, et s'entretenait avec lui. Or, après 2 ans accomplis, Félix eut pour successeur Porcius Festus, qui voulant faire plaisir aux Juifs, laissa Paul en prison.